Madame, vous désirez ? Il me faudrait un poulet rôti, s'il vous plaît. Oui, madame. Et avec ceci ? Vous auriez une belle entrecôte pour deux personnes ? Bien sûr, madame. Regardez comme elle est belle. Je voudrais aussi du porc, mais je ne sais pas quoi prendre. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Des côtelettes ? Non, si vous voulez quelque chose de tendre, prenez plutôt un filet mignon. D'accord. Je vais prendre un filet mignon pour 6 personnes. Il vous faut autre chose ? Oui. Donnez-moi aussi 4 tranches bien fines de jambon blanc. Ce sera tout, madame ? Oui. Merci.